Allez, quoi, une minute de retard, mais c'est pas si grand chose. Peu, si bah non, mais... c'était Nino Hogan. C'est à cause du changement d'horaire. Ouais, c'est ça. Ah oui, je suis endormi, là. Hein, j'ai fini. Hein, j'ai eu 6 mois pour me remettre. Trafic lillois, c'est ça ? Absolument. Ouais, bah, tu connais les trafics à Lille, là. Oui. Eh bien, c'est Pyongyang City Rockers numéro 33, c'est la semaine prochaine. On aura plus que deux fois ça à faire pour être à 1000. L'angoisse. Ça ne nous rajeunit pas. Non. Donc pour l'instant, ben voilà, équipe de choc ce soir. Nous ne sommes qu'à 3 avec Val. Bonjour Val, comment allez-vous? Bonjour. Gaël. Salut. Et Stéphane. Non. Voilà. Youpi. Il est où? Il est à la bourre, Stéphane. Avec plein de nouveaux. Ouais, moi je suis toujours, mais c'est ma spécialité ça. Autre spécialité à moi, passer des vieux trucs pour commencer, c'est-à-dire que là, bah, ça va être. Par exemple, un classique comme Negative Approach, ça date de pouf, allez, au moins ça, 1982. N.A. pour les intimes. Voilà, N.O. Ils sont toujours aussi bons, hein, ils se sont reformés, puis le chanteur, il dit putain, il y aura toujours autant de pâtés, c'est délirant, quoi. Et d'ailleurs, bah, on commence avec rien, nothing, Negative Approach. Nothing. Oui, reprise. C'est vrai que j'avais oublié cette reprise monumentale. Le syndrome 80. Oui. Bon, allez, ces derniers temps, on a tellement été chamboulés dans notre agenda que j'ai oublié de vous parler d'un split de haut niveau. Alors, il s'agit de celui qui se partage entre les Montréalais d'Ultra Radia et les Texans de Concrete Elite. Ce split est sorti le 23 février sur Rebellion Records pour l'Europe et Warthog Speak pour les Amériques. Mon exemplaire est sur la route. Faites vite avant qu'il n'y en ait plus. Moi, je vous propose le morceau qui ouvre la face à World of Violence pour Concrete Elite. Et puis, on enchaînera avec un morceau des Québécois d'Ultra Radia, de sang-froid. Deux rouleaux compresseurs maintenant à Pyongyang. Oui. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est bien. Ça, non, ça mais dit, ouais, voilà, c'est vraiment. Bon, faut pas se fier à la pochette. Faut pas se fier. Bah, je sais pas, j'ai pas vu. C'est un disque noir et blanc avec des lettrages un peu travaillés à la tatouage. Ouais. Et c'est assez illisible. Mais comme un tatouage, quoi. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, là. C'est lisible. Les morceaux des deux ouais. groupes sont ultra ouais, béton, quoi. Bien, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Une petite préférence pour Concrete Elite, mais Ultra Radio, ça le fait aussi. Je vais revenir à quelque chose de peut-être un peu plus mélodieux, encore que, je ne sais pas. C'est basé à Bogota, ça s'appelle Ataquecero. C'est un équipage vénézuélien, colombien et français. Un français dedans. Dedans, il y a des membres d'autres groupes de cette scène colombienne, dont Trampa. Alain Balada, Muro, on a déjà passé. C'est toi ou alors peut-être... Non, ça me parle, Muro, en c'est, tout cas. Non, c'est notre ami Trois-Bières qui avait passé ça il y a moins 3 ans dans Pyongyang. C'était au cœur. Oui, on était en confinement. Ouais, c'est ça, c'était chez moi qu'on avait fait l'émission. C'était bien hein, à l'époque. Vivement le prochain confinement, donc ils ont sorti un... Attaque Zéro, on sortit un EP en 2021. Ils rattaquent avec un deuxième 5 titres fin janvier 2024. Je vous envoie tout de suite un truc que je sais plus ce que c'est. J'ai oublié Olvido, Attaque Zéro. Qui rattaque. Ou bien Upovis. Attends, Upovis. Ok, c'est encore du suédois. Non, ça a presque tout à côté. Finlande. À l'est. Ouais, voilà, c'est du finnois. On pourrait traduire ça par les 5 mecs trop cool ou Super 5. En plus, ça date de l'époque. Hein, c'est les grands leaders de Pyongyang. Ouais, c'est fin des années 70, début des années 80. Ils sont originaires de Kotka, donc en Finlande, Kotka à l'est d'Helsinki, donc pas loin de la frontière russe en fait. Ils ont l'honneur d'être, paraît-il, le premier groupe qui a sorti un disque autoproduit punk en Finlande. C'était en 78. Ça s'appelait, attendez que je regarde, Energia on Aya-O. Ça veut dire l'énergie c'est A et O. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça doit avoir une signification. Mais... C'est le plan langue ici ou quoi? Plan langue, bah oui, non, mais voilà. C'était un 45 tours qui, paraît-il, maintenant s'échange à prix d'or, alors que le son. C'est même pas fumé, c'est complètement route, enregistré au fond de la baignoire, tout niqué quoi. Enfin donc c'est d'époque, hein, je veux dire, c'est à l'époque il y avait plein de gens qui sortaient des disques avec un, il y avait zéro ingé son quoi. Ou alors c'était moi l'ingénieur du son quoi. Voilà. C'est bon. Pire que Tervet Kedet. Non, je suis pas d'accord. Tervet Kedet c'est vachement mieux. Arrêtez monsieur, c'est vachement bien Tervet Kedet. Sortez monsieur. Mais là c'est plus mélodique quoi, tu vas entendre. D'ailleurs je vais vous passer Le bon, le mauvais et le génial. Sorti, c'est le titre que je vais vous passer maintenant. Tu nous regardes avec un œil, là, c'est bizarre. Je suis curieux. Bah, t'es en train de faire des tailles avec tes doigts, forcément. Le bon, le mauvais et le génial. Oh, quelle réflexion masculine. En même temps, c'est vrai que j'y pensais en même temps. Je voyais son œil grillard. Vous écoutez Pyongyang City Rockers. Votre œil est grillard. Donc, ce bon, ce mauvais, ce génial est sorti en 1980 sur leur seul album studio à Upovis. L'album studio s'appelait Amusement Bon Marché Alpa Lustia. Tu as encore appris deux mots. Voici donc Uvat Pat. Il y a Upot par Upovis par en 1980. Oui, bah c'est eux. C'est vrai que ça a un côté pathétique punk, comme grave. Tu me dis. J'aime beaucoup. T'as écouté, et qui ont-ils beaucoup écouté avant de commencer à faire de la musique? Un groupe anglais, parmi les meilleurs, les Zizi Bourdonnants. Stéphanie de Monaco. Non, Buzzcocks, merde. Buzzcocks, ah oh, merde. Ah ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à Annie de Mars Bass. Mais non, ça c'est Undertone. Ah merde, c'était pas loin. Ça reste de la musique pathétique. Voilà. Chiant. Oh non, quoi. Monsieur, arrêtez. Les gens qui veulent se procurer ça, ça peut se trouver encore en neuf parce que c'est ressorti. Leur premier 45 tours a été ressorti en. 30 avril. 5-6 ans. Par Idiotica Cossette, Stupido Twins. C'est un des gros labels finlandais. Et puis, leur album, là, il a été ressorti en 2013 par je sais plus qui, Svart Records, je crois. Enfin, bref, tout ça, quoi. Hein, bon année, c'est le 30 avril. C'est le bon temps. 30 avril. D'accord. Dimanche, à tournée, il y a un groupe de Barcelone qui va se produire au Watermoulin. Oh ouais. Arrivera en compagnie du nouveau groupe du Watermoulin, Dogmen, et un groupe de Toulouse. Ardent. Moi j'ai dit Ardent hein, dans l'autre émission. Je pense que c'est un one man band. Tout à fait. Voilà, je pense. Alors ce groupe c'est Enemic Interior, un groupe qui a débarqué en 2022 et qui a sorti 3 très bons disques, 3 EP. Et c'est estampillé Dark Oi Punk par certaines orgas. Je vous laisse mettre un style dessus. Alors ça a été mixé, masterisé, comme d'habitude, par Will Killingsworth au Dead Air Studio. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un robot qui peut travailler à sa place ou quoi? C'est Il travaille, il travaille. Il est un staccanoviste. Ouais, c'est même plus ça, il dort pas. Enfin, comment il fait? On va aller l'interviewer, dire. C'est dispo auprès de même des coups d'Iscac. Lui aussi. Ouais. Le morceau, c'est Cos à Cos. Et ah ouais, ça chante quand? Catalan. 106,6, bon. 13,12, Enemic Interior. J'entends le pays qui me dit l'Ovier. Catalogne. en avant-val. Vous écoutez Radio Campus, c'est l'émission Pyong Yang, Tinti Rock, numéro 332. Je suis prête, je peux arrêter de combler. Alors, peut-être connaissez-vous le complot de Bielefeld qui postule que la ville allemande et ses habitants n'existent pas réellement. Ouais. J'espère en tout cas que ce n'est pas le cas du groupe que je vais vous présenter, originaire de ladite ville. Et ce groupe, c'est Dead Years. Dead Years s'est formé en 2019 et est composé de trois membres, de monsieur et madame, issus d'autres formations, telles que Runes, Pointed, Mayak, Gloom Sleeper. Honnêtement, je n'en connais aucun, mais ça fait sérieux de dire ça, je trouve. Voilà, donc c'est du post-punk, c'est vrai. C'est du post-punk à paroles dépressives. En même temps, l'inverse est assez rare. C'est les Allemands, en même temps. Ça parle de doute de soi, d'angoisse sociale, de lutte quotidienne pour trouver sa voie dans un monde aliénant. Ils ont tout d'abord sorti une démo de 4 morceaux en 2020 sur une cassette en autoprod, puis un album en 2022 intitulé Dead Years, qui reprend 3 des 4 titres de la démo, et enfin en février 2024, l'album Night Thoughts, sort sur le label My Rune pour l'Europe et sur Dirty Cold Records pour les États-Unis. On écoute après. Tu peux redire Dirty Cold Records à la française comme tu l'as fait là? Bah, je m'applique. Dirty Cold Records. Ça, c'est à la belge. Voilà. Et sinon, Dirty Cold Records pour les États-Unis. Dirty. On écoute à présent le morceau d'entrée de ce nouveau LP intitulé Infinity. We'll be right back. Dead Jazz. Merci. C'est bien, hein. Bah c'est ouais, pas mal. C'est, ouais. Ouais, ouais, c'est quand même assez punk. Hein, ah oui, oui, mais en fait. C'est bien. Il est 19h30. Non, il est 20h30, mais personne n'a remis les pendules à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette radio pirate? Magnifique. C'est vrai, en plus. Et vous écoutez Pyongyang City Rockers jusqu'à 21h, c'est Campus, hein, bien sûr, vous le saviez. Je dois annoncer la dernière incartade de Kawaii Molotov, les petits amis, que nous avons, qui sont à nous. Il y aura une soirée de soutien au SMAF ce vendredi au CCL. Qu'est-ce que le SMAF? C'est le merde. C'est pas grave. C'est les sports martiaux autonomes féministes. Quoi? Tac, ouais. Aïe. C'est un club. Un club d'arts martiaux, mais pour les nanas, puis pas pour les mecs cis, parce que les mecs cis, ils ont déjà tout ce qu'il faut comme truc d'arts martiaux et de sport de combat, quoi, tu vois. Voilà, soirée de soutien au SMAF ce vendredi, ça commence par une petite cantine, comme on aime bien, au CCL, à partir de 19h30, et vers 21h, c'est le début des concerts et autres réjouissances, hein, quoi. Il y aura Bâtard, qui font un truc entre... C'est à moi que tu parles, ouais. C'est à moi que tu m'exprimes. Il y a Malo dedans, dans Bâtard. Celle qui fait les textes, je crois, parce que c'est du rock'n'roll spoken word. Et puis sinon, il y a La Meute, qui paraît-il font de la poésie sauvage. Lynx, c'est du rap, qu'on va écouter juste après. Et puis deux DJ, Léa C et Radical E. Et donc, c'est un prix libre, mais en profit de l'organisation des prochaines rencontres autogérées autour des sports de combat, qui auront lieu du 2 au 5 mai 2024. Je ne sais pas encore où, on le saura en temps utile. Retenez donc bien cette date, c'est vendredi qui arrive, donc après-demain, au Centre Culturel Libertaire, 4 rue de Colmar, métro Porte des Postes. Voilà, prix libre, mais de soutien, donc faites pas chier. puisque c'est comme ça, voici Madame Lax qui fait Harissa. Des mots, j'en ai pas mis 100 sur les miens. Je m'en tape des compatissants. Du sud à Paris, je vois les flots qui varient. Mais dans ma tête, trou noir reste attirant ces sales puissants. Chaud comme la Harissa, je reviens du fond des abysses. Au vide, j'ai tapé la bise. C'est dans une des terres intarissables que je reviens. En fait, incarné, Alice, je veux bien. Mais personne m'a dit que j'aurais droit qu'au bad trip. Ambition fragile, en haut, c'est des marques, pas des Anissa. Entre les femmes, y'a des palissades qui demandent qu'à être kické. À ce qu'il c'est du rap, de filmer, tu kiffes quand on salit ça. Je suis pas def, c'est pour viser que j'ai les yeux plissés. Je suis en mission, tu le sais, je suis pas là pour. Lycée. On le fait pour nous, pas pour des hardissons. Ils chantent de toutes ces côtes des terres depuis leur apparition. Chaud comme la Harissa, je reviens du fond des abysses. Je traîne dans mes abyssales, j'fais ce qui me ratisse. L'estomac, j'persévère comme Escobar. Hey gros tas, ouais c'est à moi que j'parle. Reste pas à quatre pattes, fais tourner la machine même s'il lui reste que quatre vis. Je m'éteins comme une bougie quand le seum me souffle. Y'a que sur mon tête que je peux gérer la luminosité. Je bégaine pour une tige et un peu de soufre dessus. La merde c'est pas meilleur avec une couche de sucre. Je bouge le cul pour une foule de trucs. Tant pis pour l'ascension, je fais attention qu'à ce qui me secoue le bus. L'état de guerre, ça vient pas d'un nique ta mère. Mais des chefs qui nous disent la même dans une langue soutenue. Rajoute du piment, j'aime quand ça brûle. Dans le feu je me sens vivante, c'est évident. Je lutte pour que mon cœur se fasse pas vider jusqu'à la fin de ma vida. On vit dans le flou, tu connais le rythme. Même dans le brouillard, on tape des bêtes de sprint. Faut connaître l'ennemi. Je vois les pyromanes dans les yeux de ma concierge. J'entends 18 dans ce qu'elle me dit. Mais je sais que tu le sais. Qu'on récolte la merde qui sait. Je sais que tu le sais, mais tu sais pas que c'est grave qu'on sache tous que c'est pareil. Mais je sais que tu le sais. Et tu sais que je le sais, hein. Je sais que tu le sais, mais tu sais pas que c'est grave qu'on sache tous que c'est pareil. C'est pareil. Chaud comme la Harissa, je reviens du fond des abysses. Je traîne dans mes abyssages, je fight ce qui me ratisse. L'estomac, je persévère comme Escobar. Eh gros tas, ouais, c'est à moi que je parle. Reste pas à quatre pattes, fais tourner la machine même s'il lui reste que quatre vis. Chaud comme la Harissa, je reviens du fond des abysses. Chaud comme la Harissa, je reviens du fond des abysses. Je traîne dans mes abyssages, pas être ce qui me ratisse. Je traîne dans mes abyssages, pas être ce qui me ratisse. L'estomac, je persévère comme Escobar. Eh gros tas, ouais c'est à moi que je pars. Reste pas à quatre pattes. Voilà. Nickel. Non, c'est pas Zouzou, c'était Lynx que vous pourrez retrouver dans cette soirée du vendredi 5 avril, organisée par K.O. et Molotov. Coucou Thibaut, t'es où encore? Il est encore pas là. Il est jamais là. C'est incroyable. Il n'est jamais là. C'est pas le grand leader. Il n'a rien à voir avec K.O. et Molotov d'ailleurs, il faut pas le dire ça. On a déjà pas mal passé cran sur Radio Campus Lille. On va continuer avec un nouveau morceau qui n'est pas encore dévoilé ailleurs qu'ici et sur Droogies Radio. Voilà, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de pub pour Droogies. Alors il s'agit d'un des trois morceaux qui vont sortir sur un 7 pouces sur Une Vie pour un Vinyle le 9 avril prochain, c'est-à-dire mardi. Il sortira aussi au format 12 pouces, mais que sur le marché américain, car ce nouvel EP sort aussi sur Longshot Music. Donc un 12 pouces monoface avec une sérigraphie en face B. Le 9 avril, ce sera aussi leur release party à Paris en compagnie des Basques de Gours. Oh, bien, ah, bien. Qui passeront aussi au CCL lundi prochain. Ouais. De Précipice de Nantes et de Canine de Paris. Ça se passe aux Orba, mais pour l'instant, place à un morceau exclusif pour PCR. Roger, c'est Cran de Paris. Merci Une Vie pour Rien. Oi. Ça aussi, c'est pas mal. Hein. Petite souris. Petite souris. Ah, ça, c'est des bons souvenirs. Il a remonté dans la manche. Bon, on va arrêter parce que sinon, c'est fini. Bon. Bon. Oui. Après écran, c'était Gours. On en a déjà passé quand Cyril Dirtis Laprecords était venu, mais comme ben, ses Basques jouent au CCL lundi avec Camellia Sinensis, Mere Mortals et Deven, et ben, c'était le moment parfait pour diffuser un nouveau morceau de leur nouvel album qui est sorti le 21 mars sur Symphony of Destruction et qui s'appelle Geran Bizi Gara. Nous vivons en guerre. Un titre d'album d'actualité. On le rappelle, Gours, ça vient de Bilbao, et comme vous avez pu l'entendre, c'est très très très très bien. Ça chante en castillan et en basque. Et vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai choisi un morceau en basque. En basque. Ouais. Et le morceau, c'était... Du basque. Non mais je sais. J'ai oublié de mettre c'était le titre. Anna. Anna, voilà. Donc Gours au CCL lundi. Alors à propos de basque, franchement, excellente soirée organisée par Mawashi Skeins ce samedi dernier à Montigny-sur-Roc, la capitale oeil de l'Europe, voire même du monde. De la Wallonie. Soyons modestes. Mais aussi du Nord-Pas-de-Calais, vu que c'est vraiment sur la frontière. Hein, c'est sur l'épaisseur du trait. 2 kilomètres. Tu vois, 2 kilomètres. Ouais, 2 kilomètres. J'ai 4 causes. Hein. Et donc oui, excellente soirée avec Streetwise. Et puis les locaux du coin, enfin je dis locaux parce qu'ils viennent de moins loin, oui. C'était Street Rocker Rebels qui ont bien chauffé l'ambiance au début et ensuite bah, c'était parti. Ça a fini dans le bistrot bien après la fin du concert en chansons traditionnelles et militantes basques, c'était pas mal du tout. Et à cet égard, j'avais envie de passer une reprise d'une chanson aussi de Pancho Atapeyo en l'honneur de Chiqui Amendizabal, un des principaux responsables de TA souffrant. Vous savez, parce qu'il y a encore pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a 50 ans maintenant. C'était pas loin. C'était la dictature, mais moi je m'en souviens encore. Hein. C'était la dictature, l'Espagne et donc aussi le Pays Basque. Chiquia, c'était un des responsables de l'organisation de lutte indépendantiste basque à l'époque. La police, une belle fois, l'a cerné et exécuté d'une balle dans le crâne. Mais c'était trop tard. Les préparatifs étaient déjà en cours pour kidnapper le successeur désigné de Franco, à savoir l'amiral Luis Carrero Blanco. Juste pas longtemps après donc que Chiqui a été descendu par les flics, Carrero Blanco a été nommé président, donc le kidnapping n'était plus vraiment possible vu qu'il avait beaucoup plus de protection. Alors, qu'est-ce qu'on a préféré faire? Eh ben, on a préféré faire l'inauguration du programme spatial basque. En effet, ils ont fait sauter une tonne d'explosifs sous sa bagnole quand elle passait. Et donc la caisse s'est retrouvée sur la lune. Elle est passée par-dessus les immeubles. Non. Oui. Donc forcément, il restait plus grand-chose, enfin un peu du pâté dans la voiture, quoi, dans la carcasse de la voiture. Donc moi, je peux dire que c'est des gens sérieux, quoi. Voilà. Oui, et voilà. Et j'en ai encore été témoin ce samedi. C'est des gens sérieux, les Basques. Ils sont voilà dans la musique aussi. Ils sont sérieux. Ils font les choses super bien. Tout le monde s'est pris sa claque. Mais franchement, c'était unanime. Hein. Ouais, c'est vrai. Même les habitués du bistrot, des vieux avec un pif ainsi, oui. Des PMUistes. Ouais. Ce qu'on appelle les piliers de comptoir. Quoi. Des vrais piliers, ils étaient là. Ils ont fait l'unanimité, c'est vrai. Ils tapaient du pied. Non, mais c'était délire. Attends, mais ils ont acheté des CD après. Les gens de Montigny. Vraiment, c'était un succès total. Vraiment. Trop bien, donc il faut refaire ça. Je reviens à mon Chiquia. Étant l'initiateur au départ de cette opération, il méritait bien une chanson. Donc ça a été fait avec cette chanson, Chiquia, qui a été reprise par RNSA il n'y a pas longtemps. Que je vous les passe maintenant. Les voici. Bye. porrotik esna, zera, esna. Eta erioaren urbilak azaldaturik, kanposantuko hilak ere entzungo luketen deadarrez, indarraren indarrez, oio egin duzu, oio, obeki esan, garrasi samin, galtzean doan herria esna dedin. Chez bio, hein. Ah ouais, chez, Michel, chez bio. J'en ai des kikebiches. Ah oui. Goosebumps. Ah. Des frissons. Des frissons, ouais. Allez, nouveau groupe à Lyon. Vidéoflip. On y retrouve Pierrick et Joey de Beaten Brats, Dédé de The Scanners et Swindle de Clem Choice. Ça sonne très rock'n'roll, tu vois, très groupe français des années 80. Ça sort aujourd'hui un 7 titres sur Danger House Records. 7 titres enregistrés et mixés par Pierrot Java, c'est le Pierrot Pierrick là de Beaten Brats, et Swindle au Java Club of Chicago sur Rhône. Masterisé, bah, c'est comme ça qu'ils ont décrit le truc, pour dire à Lyon quoi, à Dessine. Masterisé par Daniel Hussein au North London Bomb Factory. Tout de suite, vidéo flip avec leur morceau pub rock. Pas de mon monde. Start. Ah, t'es pas de mon monde, mec. T'es pas de mon monde. Ça vaut, c'est bon. Ils sont pas de notre monde non plus, puisqu'ils viennent de Plymouth. Plymouth. Quoi? Plymouth. Ah, Plymouth. Ah, ok. Voilà. Là, t'as compris rien. Quelque part, là, au sud de l'Angleterre, s'appelle Screwball, avec un K comme Yukon-kun, et ils vont passer au Pits, mais alors, dans longtemps, c'est au en juillet, on sera tous morts. Enfin, moi, je serai mort, d'ici là. Donc, voici Screwball. Tu fais bien de faire la promo, maintenant. Ah, ben, bien sûr, maintenant, mais j'ai tout prévu. Hein. Voilà, j'aimerais aussi qu'on fasse un enterrement, mais dans le plus strict intimité. Est-ce qu'on souhaiterait pas ton anniversaire, d'abord? Peut-être, mais on verra. T'es 60 piges. Ouais, là, pas tout de suite. Attends, non. Ne précipite rien, tu vas le vexer. Ouais. Et puis, si ça tombe, je vais même pas arriver jusque-là, on ne sait pas. Ah, plus qu'un mois à tenir, deux mois à tenir. Je traverse la rue, tac, je me fais renverser par la bagnole des vigiles, tu sais, qui font n'importe quoi, ils sont bourrés. Bah voilà. Et donc, bon, ben, adieu, voici Screwball avec Real Deal. C'est ça, c'est le vrai truc. Quand même, il faut quand même que tu l'annonces, celui-là. Hein, lequel? Oui, bah là, Bullshit Detector. Et ce sera le dernier de cette soirée. Allez. Alors, un groupe dont on ne sait pas grand-chose, bah, j'en ai un. Il s'appelle Bullshit Detectors. Il vient d'Austin, Texas, comme Concrete Elite tout à l'heure. Et je sais qu'il y a des gars de Liberty and Justice. Rien de plus. Ah si, on peut d'ailleurs entendre la chanteuse de Cran qu'on a écouté tantôt faire des chœurs sur un morceau de cette EP. Mais je n'ai pas choisi ce morceau-là, j'ai choisi le morceau le plus mélodique qui s'appelle Million Miles Away. C'est Bullshit Detector pour clore ce 332e épisode du Pyongyang City Rockers. Ouh, bravo. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Et on n'oublie pas. ACAB. Bullshit Detectors. Oh. Non, sans S. Just got back.